racine, la peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, doit moi. Enchanté, l'amour. Chez moi, Jacques Serré. Racine, la peine en tête, moi. Glou, commenté, dansier, moi. Enchanté, l'amour. Vini, wambou, doit moi. S'il faut moi chanter, plairé en gué, plairé. Ti mama e kamo nou ka fè wòl pa wè yo ni mon ka soufè ni dot ka pran pye yo racine la vi an tèt mwen la mizik an bout dwèt mwen se tan pou l'espoi. À d'entier moins, s'il faut moins chanter, ouais, criant, c'est criant.